paquet. J'ai une lame dans les mains, une lame de rasoir. Je suis dans ma chambre où le noir m'envahit. Je pense à ma triste vie. J'ai cette vieille lame de rasoir dans les mains. Je joue avec comme le fait avec moi le destin. Puis plus d'un geste brusque, je m'ouvre le bout du doigt. C'est bizarre, aucune douleur de cette entaille je ne perçois. Puis je l'approche de mon bras, dois-je le refaire ou pas? Mais j'ai mal, oui j'ai tant mal au cœur. Peut-être serait-ce le moyen d'effacer mes douleurs. Alors je passe la fine lame sur mon bras. Je vois mon sang qui doucement s'en va. Alors j'appuie un peu plus, et la douleur de mon cœur, je ne le sens décidément plus. Alors je continue doucement de longer mon bras et de se faire couler mon sang. La douleur mentale qui s'en va réellement, quel soulagement. Ma vision se trouble et le sang m'entoure tellement. Je sens mon âme s'en aller lentement. Oui c'est vrai, faire ça me délivre vraiment. Mais je le sais, je suis mort à présent. J'ai la haine en moi, mais de penser qu'à toi, tu ne veux plus de moi. Mais j'ai comme un manque en moi, je le sais, je l'ai fait. J'ai eu tort, j'en suis conscient, mais cette phrase qui résonne si fort dans ma tête, je ne l'accepte pas, je ne sais plus, mais je ne le sais. Si tu ne penses encore vraiment à moi, je ne le saurai certainement jamais. Mais sûrement qu'avec le temps, tout s'effacera, mais tout restera quand même en moi. Je tremble, j'ai peur, mais j'assume mes malheurs. Mais quand vient une envie de mourir, une forte envie de partir, nous ferions tout pour fuir, en oubliant que ça ferait souffrir. Les besoins de s'évader, l'envie de renoncer, croire trouver le bien-être, enfin arrêter là notre destin. Oh oui, l'égoïsme s'empare de nous, et pourtant il y a des gens autour de nous qui souffriront de notre disparition. Comment répondre à nos questions? Sûrement pas en fuyant, sûrement pas en disparaissant. Pensons aux personnes qui nous aiment et réglons avec eux nos problèmes. Tu sais, les jours passent, mais ça ne compte pas. J'ai tant de mal à vivre. Et tu sais, souvent je me demande à ce que j'ai fait, à ce que tu as fait, où tu es, qui tu aimes, sors de mes pensées. J'ai fait semblant d'avoir trouvé la force, j'essaie d'oublier avec une autre, mais le temps ne semble pas gommer tes fautes. J'essaye, mais rien n'y fait, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne l'aime pas comme toi. Elle a tenté de me consoler, même si elle n'est pas tes mots, ni ton passé. C'est vrai, elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres, mais... pour tout ce que je hais, elle a séché toutes tes larmes, tu sais. Ouais, je ne l'aime pas comme toi, mais dis-moi seulement pourquoi tu me restes comme ça. Je ne veux pas t'oublier, reprends tes rêves et disparais, car je veux l'aimer comme toi. Tu sais, il y a plein de choses qu'on a envie de parler, mais peut-on parler d'amour quand celui-ci n'est pas réciproque? Peut-on aimer tout seul? Pourquoi continue-t-on à t'aimer alors que on sait que c'est inutile, que ça ne mène à rien, que ça nous rend tous, mais tout simplement malheureux? Mais quand quelque chose nous fait mal, ouais, mais quand quelque chose nous fait mal une fois, en général, on ne recommence pas. Alors pourquoi seul l'amour n'obéit pas à cette règle, hein? Dis-moi pourquoi. Un soir je pleure en espérant tes malheurs, hein? Pourquoi un soir je pleure en espérant de mes malheurs? Mais je pense au suicide, me jeter dans le vide, ou me couper les veines, pour me soulager ma haine, un rasoir à la main pour finir le chemin qui a commencé le jour où je suis né. Le sang commence à couler, mais c'est encore raté. J'ai tant essayé de me suicider, mais sans succès, je ne suis pas arrivé. Il y a cette peur qui me touche mon cœur. Je souffre en silence pour cacher mes apparences. Je souris sans cesse pour oublier mes faiblesses, parce que je suis mélancolique. Mais un jour j'aurai l'envie d'en finir avec ma vie, l'envie d'en finir vraiment pour de bon. Le jour où personne n'aura plus de nouvelles de moi, c'est qu'un jour la lame aura vraiment réussi à mettre fin à ma vie. Je t'aime. Je suis mélancolique. Je t'aime. Je suis triste. Mais je souris pour le cacher. Voici la lame de rasoir. Oh mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je sens mon cœur battre de moins en moins. La douleur est tellement bon. Je vois trop. Aïe. La mort dans la peau a tué.